profit très élite. Ton contrat pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême, tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu, je ne vois que ma haine aujourd'hui. Ils t'ont vu, zon zon zon, on t'a vu t'es. Clic clac, c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. Ta nouvelle vie va commencer, ta liberté s'est envolée. Tu n'aurais pas imaginé, ta vie est programmée et minutée. Tes faits et gestes sont contrôlés et surveillés. Ma clé non-stop, ma tombe, ma stock te bloque. J'évoque les coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension, c'est le monde des coups de pression. Attention, des tensions fermes ou provisoires. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Soulevé pour un délit mineur, t'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer. Dealer, justicier, quelle est l'ampleur quand ils te rangent tem-tem dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs, à la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs, du pointeur au kidnappeur ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. Ta liste de mauvais plans, elle s'agrandit. Mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes le souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. On a aboli la peine de mort par souci de bonne conscience, mais la pire des sentences reste qu'on ne démolit pas les remords. Dans ta vie pleine d'ennuis, tu médites sur ton sort. Tu végètes sur ton lit comme le fruit qui mûrit. Petit à petit, trop tu pourris. Tu choisis de faire le tour de tes souvenirs. Mieux vaut qu'espérer s'en sortir. Ta joie de vivre aujourd'hui, ses rares lettres manuscrites et peu de visites. Avoue que tu cogites, vie à la prison sortiront des amis d'élite. Terrassé par cette vérité, une relation privilégiée lira les rescapés. La tornade est passée, le bateau a coulé. On réembarque ceux qui restent à côté. Famille, amis, dans la même galère. On sait pourtant qu'il n'y a rien à faire. La terre tourne, regarde par la fenêtre. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe.